Axel Overdrive on Radio Dio. Bienvenue dans Overdrive, c'est parti pour 90 minutes de musique qui pulse sur le 895 de Radio Dio. En ouverture, c'était le groupe Annihilator avec cet album paru au tout début des années 2000. C'était l'album Carnival Diablo sur lequel on retrouvait au chant Joe Como, ancien guitariste d'Overkill qui s'est reconverti au chant pour deux excellents albums de Annihilator. C'était bien sûr ce Carnival Diablo, comme je disais, et un furieux Waking the Fury. Voilà, donc on n'est plus vraiment dans le giron de la scène, on va dire mainstream metal. Néanmoins, je sais qu'il a eu plusieurs projets par la suite, Joe Como. Voilà, Annihilator, un petit plaisir personnel pour débuter l'émission ce soir. Restez derrière votre tuner, dans votre rocking chair, et c'est parti tout de suite par 69 Eyes, les Finlandais. 69 Eyes nous reviennent avec leur nouvel album qui va paraître sur Frontiers Records dans quelques mois. Ce sera I Survive, premier single avec Steve Stevens, guitariste Billy Idol, en invité, qu'on envoie tout de suite sur Overdrive Radio Duo. Super cool, I Survive par le groupe 69 Eyes. On reconnaît la patte du guitariste Steve Stevens, bien entendu connu pour son travail avec, bien entendu, Billy Idol, mais pas uniquement, également des albums solo, et également Steve Stevens, le premier album de Vince Neil, Exposed, sorti au début des années 90, qui est tout simplement, peut-être même meilleur que Motley Crue. Exposed, jetez-vous sur cet album si vous ne le connaissez pas et que vous voulez écouter justement du Motley Crue en tout simplement mieux. Continuer maintenant avec une nouveauté sortie sur le label Raining Phoenix par les anciens de Nuclear Blast et leur label également tiers Perception Records. Ce sera le groupe Clawfinger qui va nous revenir de leur Suède après maintenant plus de 20 ans, il me semble, de hiatus musical. Et on va continuer tout de suite avec Going Down Like Titanic, tout de suite sur Overdrive Radio Duo pour écouter cet album qui devrait faire parler de lui sur le mois de février. Pas d'album depuis de nombreuses années, de nombreux retours dans le giron de la musique. Bien entendu, on pense en fin d'année dernière au retour de Coroner avec un album plébiscité qui était ce Dissonance Theory. Et on va voir si le Coroner peut faire un petit peu le même effet en début 2026. Going Down Like Titanic par le groupe Clawfinger. Down like we're Titanic. Everything's fine, we're going to panic. Yes, voilà pour le groupe Clawfinger, Going Down Like Titanic, tout de suite sur Overdrive Radio Duo. Il est temps maintenant de continuer avec le nouveau Gotthard, Smiling in the Pouring Rain. On avait passé du Corleone, donc groupe de Léo Leoni de Gotthard en live la dernière fois, et on va voir si le dernier Gotthard en studio peut tenir la tête haute. Here we go again, my friend. Afraid that I'm a mess again. Smiling in the pouring rain, smiling in the pouring rain. Here we go again, my friend. Afraid I fell in love again. Running in the pouring rain, 'cause I don't wanna miss the train. Some roads lead to Paris, some roads lead to Rome, some roads take you nowhere, some roads take you home. Some lead you to heaven, some lead you to hell, some lead you to fall down, but in love with you I fell. And that's the story, and that's the way it goes. That's my story, a book that I can't close. Here we go again, my friend. Afraid that I'm a mess again. Smiling in the pouring rain, smiling in the pouring rain. Here we go again, my friend. Afraid I fell in love again. Running in the pouring rain, running in the pouring rain. Some roads lead to mountains, some will lead to seas. Some roads take you nowhere, some may lead to peace. Some lead you to heaven, some lead you to hell, some lead you to fall down, but in love with you I fell. And that's the story, that's the way. My story, a book that I can't close. Here we go again, my friend. Afraid that I'm a mess again. Smiling in the pouring rain, smiling in the pouring rain. Here we go again, my friend. Afraid I fell in love again. Running in the pouring rain, 'cause I don't wanna miss the train. Pour le groupe Gotthard avec une balade Living, Smiling in the Pouring Rain, tout de suite sur Overdrive. Et on va passer au dernier album live de Slash qui nous revient avec ce Live at the Serpent Festival, S-E-S. R-P-E-N-T. Et il ne s'agit pas vraiment du Slash and the Collaborators, donc avec Miles Kennedy, ici qu'on avait vu ces dernières années, mais plutôt un projet qu'il a fait avec son groupe plutôt orienté reprise de classic rock blues. Donc tout y passe à la petite moulinette. Slash, Fleetwood Mac, Freddie King, les Temptations, T-Bone Walker et autres, Howling Wolf. Et j'ai diffusé de passer un morceau que j'avais beaucoup apprécié lorsque son dernier album solo était sorti. C'était ce Papa and Papa Was a Rolling Stone, voilà, qu'on envoie tout de suite sur Overdrive Radio Duo. Yeah. knocked on my man's house, say, Papa had three outside children and a love of mine. And damn right! Let's talk about Papa doing some stuff from preaching. Talking about saving souls and all the time leeching. Stealing in dirt and stealing in the name of the Lord. Mama just hung her head and says, Papa was a rolling stone. Was his home. Oh, yeah, love was a home. Hey, hey, hey, hey, love was a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home. Stone, my son, wherever he Yes, excellente version que ce Papa Was a Rolling Stone par Slash, extrait de son album Live at the Serpent Festival qui était sorti en début ou plutôt en fin d'année dernière. Pour ceux qui ont apprécié l'album de reprise blues de Slash qui était sorti l'année dernière, disponible donc en CD, DVD, Blu-ray. Et bien entendu, vinyle. Voilà. Donc la semaine prochaine, du côté de la Halle Tony Garnier, vous retrouverez Seven Dust en compagnie des Américains de Alter Bridge. L'occasion pour nous ce soir de diffuser un extrait de chacun de ces deux groupes. On commence tout de suite avec Seven Dust, avec Is This The Real You, tout de suite sur Overdrive Radio Duo. vendredi 6 février du côté de la Halle Tony Garnier. Vous retrouverez Alter Bridge avec Seven Dust que vous venez d'entendre tout de suite sur Overdrive Radio Duo. Il est temps maintenant de passer à Therion et son dernier album en date. C'est du live enregistré avec un orchestre. Ce sera le morceau Con, enfin plutôt l'album Con Orchestra qui voit le jour aujourd'hui même du côté de Napalm Records, disponible en double CD, DVD, Blu-ray, tout le tralala. Et ce sera un extrait de Leviathan Part 3 avec The Ruler of Tamag qu'on écoute tout de suite sur Overdrive Radio Duo. This one is called The Ruler of Tamag. In Et on va rester dans les albums live maintenant, après Tyrion, avec un style foncièrement différent. Il s'agira de Mass Hysteria et de son album enregistré au Hellfest Mass Veritas Faru en fin 2025. Ce sera le morceau L'Enfer des Dieux. Dédié ce morceau aux victimes du Bataclan, aux victimes de Nice, de Strasbourg et de Palestine. Mesdames, messieurs, l'enfer des dieux. Culturel, vous avez fait des kilomètres. Vous avez des voilà pour Massisteria, l'enfer des dieux, tout de suite sur ce live au Hellfest. Il est temps de passer à une annonce concert maintenant dans Overdrive Radio Duo. Il s'agira de la prochaine tempête sonore qui aura lieu au fil de Saint-Étienne. Ça se passera le samedi, il me semble que ce sera le 21, samedi 21 février, oui, on devrait avoir là, donc Evolution, en, oui, samedi 21 au Fil de Saint-Étienne, on devrait avoir Evolution et Camisole K en concert, voilà, qui devrait s'annoncer une très bonne soirée. Evolution, le groupe stéphanois de heavy metal, nous a sorti en début, enfin plutôt mi-août 2025, son album The Cycle, dont on va écouter tout de suite le premier clip extrait de cet album. Ça s'appelle Deadly Science. pour le groupe Evolution sur la scène du Fil de Saint-Etienne pour les Tempêtes Sonores. Ce sera le 21 février prochain du côté du Fil de Saint-Etienne en compagnie de Camisole K. Restez bien à l'écoute du programme et d'Overdrive. Les vendredis soirs, on devrait peut-être avoir des places à vous faire gagner un peu plus tard dans les futures émissions Holopic. Maintenant, pour les amateurs de métal à la fois sombre, progressif et mélodique, ce sera le morceau Euphoria. Vous venez d'entendre Mole tout de suite sur Overdrive Radio Duo avec ce groupe sorti sur Nuclear Blast, et on continue maintenant sur Macsac Records avec Discreation pour les fans de death metal. Et cet album paru originellement en 2023 qui vient d'être réenregistré en 2025, ce sera Steel Legend 2025, tout de suite par Discreation. We'll be right back. venez d'entendre le groupe Gablio avec ce morceau Les Nords, tout de suite sur Overdrive Radio Duo pour du death metal, tendance un petit peu mélodique. On va quasiment terminer on va terminer quasiment Overdrive ce soir avec Awar, suivi d'un autre morceau ensuite. Awar, pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit de Pagan, donc musique viking, avec No Dist, sorti sur le label Season of Mist. Si vous aimez les projets tels que Wardruna, vous devriez apprécier. Et ils seront du côté du Volcanic Fest donc fin juillet à Andrézieux-Boutéon pour ce nouveau festival métal qui se profile, qui a une affiche des plus sympathiques. Donc on revient dessus. Awar tout de suite. Know This. Thank you. Voilà, Overdrive, c'est terminé. On va se quitter au son de Black Moss Night avec sa réédition de l'album Shadow of the Moon, premier album de ce projet de musique un petit peu médiévale par le guitariste de Rainbow et bien entendu Deep Purple. On se dit à la semaine prochaine, même heure, même fréquence sur le 895 de Radio. On rappelle le www.radiodio.org, www.facebook.com/overdrive-radiodio, les podcasts hébergés sur la plateforme Mixcloud et archive.org. Voilà, la semaine prochaine, prenez soin de vous. Ciao, bye bye.